Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues FR. Salut toutes tous, au sommaire de cette émission Blues FR, vous aurez droit à trois artistes français, Lowland Brothers, Didier Marty et Circle of Mud, que vous découvrirez à travers les chroniques de ces albums via la presse papier ou quelques blogs ou sites internet, et évidemment quelques extraits audio. Et puis en fin d'émission, la rubrique habituelle, la vieillerie d'il y a 10 ans et la vieillerie d'il y a 20 ans. Alors, découvrons ce que pensent la presse et les sites de l'album Lowland Brothers, premier album de la nouvelle formation de Nico Duportal. Christian Casoni, sur le site Blues Again et dans la revue Rock'n'Folk, nous dit ceci. On écoute une longue extase sentimentale brodée de mélodies raffinées, de chants caressants, orgue, chœur et trémolo d'ampli surpiqué de coutures twangées. Autant de lignes qui cherchent et trouvent toujours, à un moment, le nœud stratégique de la chanson, une sorte de point G mélodique, aussitôt suivi d'un genre de félicité, ce bonheur un peu mélancolique qui imprègne l'ensemble de cette œuvre. Turned into December. Rolling Stone Magazine n'est pas en reste sous la plume de Philippe Langlest. La France produit des groupes de blues rock exceptionnels. La preuve avec le premier album de Lowland Brothers. Toujours impeccable dans ses saillies guitaristiques, Duportal déroule ses grilles d'accords avec une belle élégance stylistique. Ça transpire, ça joue, c'est jouissif et la production est tout simplement sidérante. Et enfin, dans Soulbag, Nicolas Dessay nous dit ceci. Une véritable force collective transpire tout au long des 8 pépites qui composent ce premier album. Force collective dans la production, force collective dans l'écriture. On se laisse ainsi porter avec un égal bonheur par les ambiances country folk ou country rock. À l'issue de cette demi-heure d'écoute que l'on réitère sans se faire prier, on prend alors conscience du tour de force réalisé par Lowland Brothers, vous emmener là où ils ont eu envie d'aller. No, I don't want to talk about your lovely family. I don't want you to be there fooling me. Sometimes you are wrong, often I am right. Whatever, just let me hold you tight. Some more new scenes. Let's write some more new scenes. No, no, no, don't be ashamed. Get into the car, we're gonna ride it to another land. I need to have a stop to the parking lot. Gonna squeeze you, mama, tough love you with claim. Let's keep on doing. Just write some more new sing, yeah. Write some more new sing. Can you hear me, mama? Ooh, yeah. Ooh, yeah. Work on it, baby. Tell me about your daddy. Don't tell me about the loveliest camps. Yes, we're gonna have a stop to the parking lot. Gonna squeeze you, mama, tough love you will claim. Deuxième album sélectionné, c'est Didier Marty. L'album s'appelle « Mes états d'âme ». Voici ce qu'en dit Gilles Blampin sur le site Blues Again. Depuis le temps qu'il arpente les scènes, on le connaissait saxophoniste, chef de bande. Le voilà en solo, chanteur, mais toujours avec son saxo et sa guitare ou ses claviers. Doté d'une vraie patte d'auteur avec des textes bien troussés, Didier Marty se révèle être un véritable parolier en signant 10 chansons de belle facture où les mots dansent sur des rythmes bien choisis. blues, rock, swing sont de la partie avec des arrangements de la meilleure veine pour des ambiances qui varient au gré des titres. D'une voix chaude et agréable, il nous entraîne dans des univers où le réel côtoie l'inattendu. Christian Lemorvan, dans la revue Blues Magazine, nous dit ceci. Didier Marty est multi-instrumentiste, possédant un bagage musical plutôt copieux. Certains se rappelleront de lui comme sideman pour Screaming Jay Hawkins ou Frank H, ou bien encore au sein des Rolling Dominos. À cette époque, il officiait surtout au saxophone. Sur ce nouvel album, c'est plutôt la guitare électrique qu'il partage. avec le chant. Les textes ont du sens et sont dans l'air du temps. Il a composé la totalité de l'album. Les textes ciselés servent à merveille sa musique. Bien que tout l'album soit d'égale qualité, nous retiendrons « Mes états d'âme »,« Dernier cri »,« Remonter la pente »,« Le meilleur reste à venir »,« Je m'arrache de là ». Eh bien, moi, j'ai choisi un autre titre. « Boom, baby boom », Didier Marty. Oh, je suis dépendant de boom. Ça se bousculait au portillon. Pas le temps de dire bonjour au boom. C'était la ruée sur les biberons. Une fabrique de mom à la chaîne. Moi, tu vois, j'ai brisé les miennes. Boom, baby, boom. Enchanté le blues dans les couloirs. À la maternité du soir. Les mères ne savaient pas quoi faire. De tous ces bluesmen en colère. Alors elles nous donnaient du lait. Mais nous, c'est pas ça qu'on voulait. Moi, je suis né pendant le boom. Ça se bousculait au portillon. Pas le temps de dire bonjour au boom. C'était la ruée sur les biberons. Une fabrique de mom à la chaîne. Moi, tu vois, j'ai brisé les miennes. Boom, baby, boom. Gonfler les rangs de la nation. Telle devait être notre mission. Ça turbinait à plein régime. On m'attendait dans la Dream Team. Moi, dans mon quartier ouvrier, j'avais le blues à mes côtés. Oui, je suis né pendant le blues. Pas le temps de dire bonjour au boom. C'était la ruée sur les biberons. Une fabrique de mom à la chaîne. Moi, tu vois, j'ai brisé les miennes. Boom, baby, boom. J'aimais le goût de la liberté. Quand t'as de la musique dans la tête, tu sens pas prêt pour la compète. Alors j'ai roulé comme j'ai pu. Le blues ne m'a jamais déçu. Oui, je suis né pendant le boom. Baby boom. Pendant le boom. Baby boom. Oh, pendant le boom. Baby boom. Pendant le boom. Baby boom. Un jour ou l'autre, on se rendra. On chantera le blues dans les couloirs, en guise de prière du soir. Ce sera le moment de tout lâcher, histoire de finir en beauté. Oui, je suis né pendant le boom. Le troisième CD que je vous propose, c'est Circle of Mud. Pas de titre puisque c'est un premier album. Et voici la présentation par Gilles Blampin sur le site Blues Again. Il est toujours intéressant de voir un nouveau groupe émerger. Mais si le band est tout nouveau, ses membres ne sont pas des inconnus. Flo Bauer chante et joue de la guitare. Gino Monacello joue de la lap steel. Et d'autres guitares, la rythmique est assurée par Frank Bedez à la basse et à la contrebasse, et enfin Mathieu Zim à la batterie. Pour eux, il est inutile de ressasser de vieilles lunes. Ils ne veulent pas rester coincés dans un carcan, mais projeter le blues dans le futur. Avec ce premier album, ils revisitent les fondamentaux du genre en y incorporant des éléments hard rock et psychédéliques et accrochent l'auditeur au premier accord. Le résultat est à haut indice d'octane. C'est du brutal, ça pétarade et ça vrombille. Et sous la plume de Dominique Boulet, Paris Move et Blues Magazine ne sont pas en reste. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela percute à tous les étages. Les riffs des gratteux sont puissants et la section rythmique assure un max. Control my mind. Magazine, sous la plume de Christophe Dame-Leboeuf, fait une petite erreur puisqu'il dit que Flo Bauer, le guitariste-chanteur de Circle of Mud, a gagné The Voice en 2014. Eh bien non, il a participé mais il n'a pas gagné. Par contre, il a gagné le tremplin blues sur scène, ce fut une belle révélation. Même rock'n'folk y va de sa petite chronique. Le quatuor Circle of Mud, du O1, veut transmettre la flamme du blues rock en l'adaptant à nos oreilles contemporaines. Son premier album anglophone atteint pleinement cet objectif. Aux côtés d'une jeune recrue, Flo Bauer, au chant et à la guitare, il réunit des professionnels aguerris qui ont accompagné des artistes de renom. Un son puissant et une cohésion impeccable au fil des compositions originales, à l'exception d'une reprise décalée de Staying Alive. Mais je ne vous ai pas choisi Staying Alive car je l'ai programmé dans mon autre émission Blues Covers. C'est d'ailleurs une super reprise que fait Circle of Mud. Alors je vous propose le titre Pretty Baby. See the baby dancing, shaking a pretty booty. Not around can stand, that girl is such a beauty. In a color's winter, she will keep you warm. See the fire burner, you won't last very long. I wanna taste it, not gonna waste it. No, no, no. See the baby drinking, smoking all night long. Nothing could keep her from being too far gone. See fire in her eyes. La vieillerie d'il y a 10 ans, c'est Awake, l'album Rich and Famous, paru en 2012. Voici ce qu'en pense à l'époque le site Paris Move, sous la plume de Dominique Boulet. Dès les premières notes, on comprend pourquoi ce sont ces loulous-là qui ont représenté la France au premier European Blues Challenge à Berlin en mars 2011. Ce qui voulait dire que tous les acteurs de la scène blues française les avaient désignés comme étant les plus représentatifs de ce qui se jouait de mieux dans l'Hexagone. C'est au studio Grizzland de San José, en Californie, que la galette a été enregistrée et mixée. 16 compositions cuisinées maison par les 4 comparses vous sont proposées, même si 12 d'entre elles sont signées Bernard Selam. Ado, lorsque j'achetais un vinyle, je comptais les titres et minutage total de chaque face, histoire de ne pas être lésé. D'autant que les francs n'étaient pas légion. Eh bien aujourd'hui, avec les 16 morceaux et les plus de 50 minutes de très bon blues de cet album, je peux dire qu'Aweck ne s'est pas foutu de ma poire, avec en prime une qualité d'écriture qui confirme que l'héritage des prédécesseurs a été assimilé par le quatuor. double jingle pour la vieillerie d'il y a 20 ans. Eh oui, déjà 20 ans que l'album du révérend Blues Gang intitulé Still Alive and Blue est paru. Sur le site Bleu Blanc Blues, voici ma chronique. Il y a des disques qui sont comme la boîte de Pandore. Quand on les ouvre, tous les mots s'en échappent, mais au fond, tout au fond, reste l'espoir. Et bon sang, il en faut, et aussi la foi et la rage, pour persévérer dans la ligne que l'on sait tracer. Ce n'est pas le révérend Blues Gang, c'est le persévérant Blues Gang. Il y a des intros qui sont comme des évidences, il y a des riffs qui sont comme des coups de griffe, des coups de couteau à la morosité, à la déprime, au blues qui te brouille les yeux, à te taper la tête contre les murs. Voilà tout ce que j'ai ressenti à la première seconde de leur premier CD, Still Alive and Blue. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et l'intro de Every Day I Have the Blues, B.B. King, c'est du Stone sans barre, c'est du ZZ Top en tonneau. Every day C'était l'émission Blues FR.